Kong est entré dans ma vie en fait en 1976, j'avais 3-4 ans à l'époque, et il n'y est pas entré par le biais du cinéma, puisque je n'étais pas à l'époque en âge d'aller dans les salles obscures pour voir un film où la pilosité d'un monstre n'avait d'égal en somptuosité que les délicats fragments de carnation qui étaient visibles à travers le bikini primitif que porte Jessica Lange dans la version qui était contemporaine à ma rencontre. Non, ma rencontre avec King Kong, en fait, eut lieu sur le parking du Corat-Raucourt, où, à l'occasion de la sortie du Blockbusters, on avait dressé une effigie du monstre. À taille réelle, je ne peux pas vous le dire, puisque le regard de l'enfant déforme tout. Mais en tout cas, je me souviens que j'avais insisté pour aller voir King Kong, alors que je n'avais pas vu le film, et j'avais refusé obstinément de m'installer dans la nacelle qui était ménagée au creux de sa grande main et qui élevait les spectateurs à 10 mètres du sol. Mais en tout cas, j'ai été, à partir de ce moment-là, je dois le dire, fasciné par cette créature dont je pressentais qu'elle n'était pas uniquement un gorille. Et dans le film, d'ailleurs de 1933, le metteur en scène Denham dit bien Neither beast nor man, donc ni bête ni homme, qu'est-ce que King Kong finalement? Et j'apprendrai des années plus tard en fait que King Kong n'était en effet pas une simple bête, mais bien un géant égaré parmi les nains que nous sommes, un chevalier servant. Qui pèse plusieurs tonnes et qui évolue nu dans les jungles insulaires comme urbaines. Et enfin, une des plus belles figures d'amoureux éperdus qu'a campé le 7e art au 20e siècle. J'ignorais aussi qu'il y avait deux versions de son histoire au moment où je découvrais la seconde avec le film en 1976 de John Guillermin. Donc voilà, je le reprends ici. Excusez-moi, qui était le réalisateur de La Tour Infernale, donc habitué des films catastrophes et à grands moyens, en 1976, et dans lequel c'est l'équipage d'un pétrolier qui viole l'île du crâne sur laquelle habite King Kong. Et ce sont les tours du World Trade Center, comme on le reverra tout à l'heure, que l'animal traqué escalade. J'en étais resté là jusqu'à la découverte, évidemment, émue de la version de Peter Jackson en 2005. Qui campe à nouveau cette terrible histoire. Le film, évidemment, est impressionnant. Il est saturé d'effets spéciaux, mais pour le fond, c'est celui qui renoue le mieux avec le scénario original de 1933, tout en amplifiant, évidemment, maintes scènes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film où il y a non pas un tyrannosaure, mais trois. Hein, King Kong s'oppose à trois ennemis en même temps. Il y a des courses-poursuites avec des sarabandes de diplodocus. Enfin, il y a une débauche de moyens qui est assez impressionnante. Mais ce qui est intéressant, c'est que Peter Jackson reprend l'essentiel du scénario de 1933 et il modifie la focale sur certains aspects du scénario. Voilà donc pourquoi j'ai eu la curiosité de découvrir le King Kong qui a été produit par la firme RKO. Et réalisé par Merriam Caldwell Cooper et Ernst Beaumont Chutzak en 1933, qui est précisément sorti dans les salles en avril 1933. Alors évidemment, on pourrait parler pendant des heures de ce chef-d'œuvre, on pourrait écrire des milliers de pages, et d'ailleurs ça a été fait sur le sujet, puisque ce film a été un des premiers quand même à mobiliser. Des moyens techniques et des effets spéciaux qui étaient tout à fait époustouflants pour l'époque, époustouflants de modernité et qui ont fasciné le public. Mon intervention, évidemment, se concentrera plutôt sur le personnage de Kong, même si je vais devoir intervenir beaucoup, enfin, beaucoup convoquer le film pour expliquer ce personnage. King Kong n'a pas été le premier film d'animation à mettre en scène des monstres préhistoriques, puisqu'il avait été précédé par un film qui s'appelait The Lost World en 1925, adapté d'un roman de Conan Doyle, et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Il n'a pas non plus fallu l'attendre pour voir apparaître sur le grand écran un singe effrayant, puisque en 1932, l'Américain Robert Florey adaptait la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Le double assassinat à la rue Morgue, qui mettait en scène justement l'image d'un singe géant et tueur. Mais le film de 1933 est unique et oserais-je dire c'est le seul King Kong qui vaille, à mon avis, vraiment, parce que cette œuvre prodigieuse permet de revenir aux sources d'un mythe, le premier qui a été créé pour et par le cinéma, comme le dit Serge Blumberg dans la présentation du film dans la version DVD. En effet, au contraire de la créature de Frankenstein, au contraire de la créature de Dracula, au contraire de la créature du golem également, qui a donné lieu à un film dans les années 20, King Kong a d'abord été créé non pas pour la littérature, parce que le golem, Dracula, etc. ont été inventés par des écrivains, et Frankenstein, la créature de Frankenstein, pardon, évidemment par Mary Shelley, mais le monstre a été créé pour et par le septième art. Le roman éponyme qui existe et que vous pouvez trouver en version Librio de Lovelace est en fait une novélisation, puisque son auteur l'a écrit en partenariat d'ailleurs avec Cooper, qui était à l'époque fasciné, donc un des réalisateurs du film, qui était fasciné à l'époque par les grands singes, et Edgar Wallace, qui était en fait le scénario du film. Et voilà, c'est mort en 1932, mais après on a repris finalement ce scénario. Donc le livre est sorti avant le film, mais c'est une novélisation du scénario préalable au film. Donc en fait, King Kong naît bien de cette production cinématographique de 1933. Le mot « mythe » est aujourd'hui un adjectif, et plus encore l'adjectif « mythique », sont des mots qui sont relativement galvaudés. Surtout surtout en français, et surtout depuis ces dernières années. Un mythe de nos jours, c'est plutôt un mensonge qui est créé par un mythomane, et créé à répétition par ce genre de personnage. Une personnalité, une marque, un objet, n'acquiert cette valeur de référentialité mythique que par l'ampleur de leur notoriété, finalement. Donc, un chanteur de rap, de préférence mort jeune, un sportif de haut niveau, un prof même dans le périmètre de son institution pourrait-il être qualifié de mythique aux yeux de leur public. Pas question évidemment de discuter ici ce qu'est précisément un mythe, mais bien de déterminer en quoi une créature simiesque, animée, surgit de l'esprit d'un réalisateur américain au début des années 30, recouvre bel et bien une dimension mythique. Et ce, à mon avis, sous trois aspects principalement. Le mythe participe d'abord d'un imaginaire qui est lié à l'origine du monde et se situe donc dans une temporalité qui est hors de l'histoire. King Kong s'inscrit dans un tel cadre spatio-temporel, lui qui vit doublement enfermé finalement sur son île du crâne, puisqu'il est sur une île et en plus sur cette île, il est derrière une muraille qui le sépare de la tribu de ses adorateurs. Il vit dans une version réduite d'un monde perdu, d'un Lost World, parmi d'autres créatures préhistoriques, des grands sauriens, des dinosaures, etc. Le mythe est associé aussi à des pratiques rituelles qui donnent lieu à des cérémonies. Et sur Skull Island, vous le savez bien si vous avez vu le film, King Kong est considéré comme un roi et vénéré comme un dieu. Sa première apparition dans le film, après plus quand même de 40 minutes d'attente, est consécutive à l'appel de ses adorateurs qui lui offrent une femme en guise de fiancée et aussi de victime sacrificielle. Une fois capturé et transporté sur le nouveau continent, où il est présenté comme la 8e merveille du monde, le voilà déchu, livré en pâture à la masse du public et voué à occuper la seule position que peut lui octroyer notre société du spectacle, à savoir celle de monstre. Le mythe est enfin une clé de lecture de nos comportements primordiaux à titre individuel, comme sociétaux à titre collectif. Et King Kong constitue, à mon sens, à la fois un mythe civilisationnel, dans la mesure où il interroge le binôme complémentaire nature-culture, et aussi le binôme oppositif sauvagerie-barbarie. En plus de cela, évidemment, King Kong, c'est un grand mythe érotique, et ça, on y reviendra aussi, par son illustration notamment du principe Beauty killed the beast. La beauté a tué la bête. Alors, quelles sont les origines de ce mythe? Beauty killed the beast. Quelles sont les origines de ce mythe? Les premières descriptions de chimpanzés remontent en fait à la fin du XVIIe siècle, tandis que le gorille, lui, n'a été révélé à l'Occident qu'au XIXe siècle, à la moitié du XIXe siècle. En 1849, en effet, on apprend l'existence, par un missionnaire, l'existence en Afrique occidentale d'un grand singe apparemment féroce, le gorille. En 1855, après de nombreux chimpanzés et orang-outans, le premier exemplaire vivant de gorille arrive à Londres. Il s'agit d'une jeune femelle qui allait devenir une attraction de cirque, trimballée à travers tout le pays comme un phénomène de foire. Le pauvre animal a suscité évidemment une profonde stupeur partout où on l'a montré. Le premier spécimen de gorille qui sera importé en Europe aurait été exposé au zoo de Berlin en 1876 et sa présence se serait répandue sur le vieux continent à partir de 1890. C'est l'époque où il commence à en avoir même un au zoo d'Anvers notamment. En 1902, l'officier allemand Robert van Beringen est le premier européen, est le premier européen à observer les gorilles que l'on dit de l'Est, c'est-à-dire ceux qui habitent dans la région montagneuse du Virunga, à l'époque le Congo belge. L'animal est baptisé Gorilla Berlinguei, du nom de Berlinguer, en son honneur, en l'honneur de son découvreur. La découverte de l'animal déclenche sa chasse à des fins scientifiques, mais en 1926, le naturaliste américain Carl Hackeley, qui s'intéresse aux mœurs de cette espèce, tire la sonnette d'alarme et interpelle le roi Albert Ier pour qu'une réserve soit créée. Faut-il toutefois chercher du côté de cette découverte les origines de la créature qui au départ devait simplement se nommer The Beast dans le film. Ce n'est pas le gorille. Dans King Kong, on ne le dit jamais le gorille. On l'appelle The Beast. En fait, King Kong se situe à la convergence de plusieurs traditions légendaires ou littéraires. Et c'est ces traditions que je voulais explorer avec vous avant de plonger dans le film de 1933. La première tradition, c'est celle de l'animal velu légendaire de type gigantopithèque. Si les photos d'empreintes géantes ou de silhouettes floues se sont popularisées dans les années 50, on a tous dans l'esprit l'image de ces grands pieds imprimés dans la neige, il faut rappeler que l'expression « abominable homme des neiges » est apparue en 1921, année où paraît The Reconnaissance, en 1921, qui relate l'exploration de l'Everest par le lieutenant-colonel Charles Howard Bury. Dans ce livre, l'explorateur Bury raconte avoir observé des empreintes de pas, vous voyez ici une image de son équipe, il dit avoir observé donc des empreintes de pas qui, comme il le cite, qu'il considère être comme probablement causées par un grand loup qui formait dans la neige molle une double trace semblable à celle d'un homme aux pieds nus. Il ajoute que ses guides, qui sont donc des Sherpas, révélèrent spontanément que les traces devaient être celles de l'homme sauvage des neiges auquel il donnait le nom de Meto Kangmi. Meto signifie homme-ours et Kangmi, homme des neiges. La quasi-homophonie Kang-Kang nous informe peut-être sur le nom de l'origine de la bête, mais cela reste évidemment une hypothèse. En tout cas, à partir du moment où la presse populaire va s'emparer du Yeti, sa représentation va croiser celle de King Kong, comme on peut le voir sur les couvertures de ce magazine français des années 1950. C'est un magazine un peu à sensation, le magazine Radar. Donc, première tradition, les gigantopithèques légendaires. Deuxième tradition, les gigantopithèques de fiction. Je peux rappeler à partir d'ici qu'un épisode de Gulliver, 1721, Gulliver, de Swift, voit le héros enfermé dans une maison de poupée et observé par le serviteur d'un géant qui n'est autre qu'un singe géant lui-même. L'animal se met à jouer au chat et à la souris avec Gulliver et cette image n'est pas sans rappeler le moment où Kang, en 1933, introduit la main dans l'appartement pour saisir Andaro. En 1923, Rider Haggard écrit « How, how, who, the world, the monster » et il emmène son héros, Alan Quatermain, le héros des cités disparues, dans une vallée où un gorille géant, adoré comme une idole vivante par une tribu, exige son lot de jeunes filles en sacrifice. Donc un topic qui va être repris strictement dans le King Kong de 1933. Le singe comme partenaire sexuel. Alors, la tradition du singe comme partenaire sexuel remonte en fait non pas à un animal simiesque, mais à un orcidé, puisqu'on trouve dans la 353e nuit des Mille et Une Nuits une histoire qui nous décrit les amours de la fille d'un vizir et d'un ours, et comment le mari jaloux de cette jeune fille, le boucher Wardan, tue l'animal. En tout cas, évidemment, cette tradition est séparée de quelques siècles, mais en tout cas, elle met en scène la relation d'une femme avec un grand personnage velu et animal. On retrouve dans les années 20 et 30 un roman de Félicien Champsaur, un roman à dérive zoophile, qui s'appelle « Koua, le roi des singes », en 1922, et dans lequel on rencontre une Américaine qui décide de vivre à Bornéo, Bornéo étant la zone dans laquelle King Kong vit. Cette Américaine décide de vivre avec un orang-outan. Ce motif va rester présent dans le cinéma. Pour les cinéphiles avertis, je rappelle évidemment 1986, le film du japonais Nagisa Oshima, qui conçoit la relation extra-conjugale particulièrement trouble de Charlotte Rampling envers un être simiesque dans Max Mon Amour. Le topic a été repris un peu plus tard dans une scène du Tout Nouveau Testament de Jacob van Dormael avec Catherine Deneuve. Plus proche de King Kong, la bête humanisée. Alors, c'est évidemment ce qui fonde le topic de La Belle et la Bête dans le film. La première histoire qui comporte un protagoniste de bête humaine, bête humanisée, est bien entendu le conte La Belle et la Bête, popularisé par Jean-Marie Le Prince de Beaumont dans son Magasin des enfants en 1757, qui lui-même remonte à Apulée et qui fut porté à l'écran en 1946 par Jean Cocteau. L'animal ne se marque que par sa taille démesurée, mais par son aspect repoussant, en contrepoint de la beauté qu'il affronte. Il fonde toute une réflexion sur la beauté intérieure et met au passage à mal cette vision qui est héritée justement de l'Antiquité grecque, qui veut que tout ce qui est beau est fondamentalement bon ou bien. En 1911, Gaston Leroux, je l'ai juste après, excusez-moi, donne un feuilleton qui s'appelle Balaou, et qui narre les crimes atroces commis dans un village en Auvergne par un singe modifié par un scientifique fou. Je reviens précédemment, où j'avais confondu les illustrations, excusez-moi, pour évoquer aussi dans le rang de ces bêtes humanisées le récit de Franz Kafka en 1917, où l'écrivain tchèque d'expression allemande adresse à une Bericht für eine Akademie, traduit par « communication à une académie », au journal Der Jude, le juif. C'est une lettre apocryphe, en fait, qui fait parler un singe, le singe Rotpeter, le rougeau, et qui raconte comment, après sa capture, il décide rapidement de renoncer à son passé sauvage pour devenir un animal savant, en profitant du confort de la civilisation, bref, en devenant un humain. C'est en somme le trajet inverse de Grégoire Samsa dans La Métamorphose, et certains commentateurs ont vu dans ce texte étonnant une satire de la tendance assimilationniste des Juifs de l'époque, voire de leur conversion au christianisme. Ce texte a fait l'objet de très nombreuses adaptations scéniques en Allemagne, mais aussi en France en traduction. On retrouve aussi les hommes singes qui vivent en tribu, comme fondatrice de la figure de King Kong. Dans Le Monde perdu, en 1912, de Sir Arthur Conan Doyle, que j'ai déjà cité, le plateau montagneux est peuplé, en plus de grands sauriens, par des tribus d'hommes singes barbares, qui seront représentés dans le film tiré de l'œuvre en 1925 par Harry Holt. Une précédente conférence, je crois, des séminaires de la Bila a traité de Tarzan, évidemment, chez les singes, et il est clair que le roman d'Edgar Rice Burroughs, paru en 1912, n'est pas étranger à l'élaboration de la figure de King Kong. Enfin, on trouve la figure des singes féroces, des singes kidnappeurs et des singes tueurs. On est pour cette catégorie-là à la convergence finalement entre l'imaginaire, le fantasme, le fait divers sordide et l'exotisme populaire. Et là, on trouve cette image dans pas mal de journaux populaires de l'époque, tels que, par exemple, le journal de voyage. Alors, parmi ces singes féroces, ces singes kidnappeurs, il y a évidemment les histoires de fiction que l'on peut retrouver avec le double assassinat à la rue Morgue de Edgar Allan Poe, qui figure donc l'orang-outan de Bornéo, tueur de femmes. On trouve aussi dans la littérature populaire française d'aventure, type le journal des voyages, des épisodes où une jolie Parisienne, par exemple, se fait enlever par un singe durant le périple, puis elle se fait sauver par un héros, un grand aventurier, un grand chasseur blanc. En 1867, le récit d'un voyageur recueilli par le fameux docteur Livingstone s'intitule « Enlèvement d'une jeune fille par un gorille ». En 1906, on voit ici une illustration qui est tirée de ce livre. Rudyard Kipling met en scène des diables, qui sont en fait des gorilles, qui s'attaquent à des vikings naviguant vers l'Afrique. Et puis, il y a surtout le motif que l'on rencontre, non pas en illustration au papier, mais en sculpture, Emmanuel Frémiet, du sculpteur français Emmanuel Frémiet, où là aussi, le motif de l'enlèvement de la femme est très, très souvent décliné, en tout cas chez cet artiste. Tout au long de sa longue existence, Emmanuel Frémiet va figurer le gorille enlevant une négresse, 1858, œuvre qui a été détruite en 1861, qui ne subsiste plus que par ce cliché. Gorille enlevant une femme, qu'on retrouve au musée d'Orsay en 1886, ou encore orang-outan étranglant un sauvage de Bornéo en 1895 et qui est à l'entrée du musée des sciences naturelles à Paris. Je passe sur les vicissitudes de toutes ces œuvres qui ont sans doute choqué énormément la morale de l'époque pour juste mentionner qu'en 1898, un collectionneur américain, un riche collectionneur américain, importe une copie de bronze de la sculpture « Gorille enlevant une femme », donc la seconde, dans l'Illinois. Et c'est à partir de cette sculpture qu'on commence à réaliser des copies en miniature de cette figuration et que cette figure devient tellement populaire qu'en 1917, on la rencontre comme réadaptation idéologique de la lutte contre les Allemands, puisque c'est en 1917 que les États-Unis s'engagent dans la Première Guerre mondiale, sur des affiches donc de campagne d'enrôlement pour les troupes américaines engagées sur le continent pour la Première Guerre mondiale. Donc cette statue aurait directement inspiré Marianne C. Cooper également pour le film au moment de la scène de l'enlèvement d'Andalo. Après toute cette introduction finalement qui nous amène progressivement à la figure de Kang, je plonge avec vous dans, dans la mise en scène du mythe telle qu'elle est figurée dans le film de 1933. Il est, à mon avis, impossible de dissocier le mythe de King Kong du film de Chutzak et Cooper, et il existe évidemment toute une littérature sur l'aspect le plus révolutionnaire qu'il présente, à savoir un art consommé des effets spéciaux. Je ne vais pas et je ne peux pas m'attarder sur ces considérations-là, pour des raisons de temps, mais aussi, surtout, de compétences. Par contre, je crois bon, utile d'analyser la narration du film, et les divers thèmes qui y sont abordés, car ça permet, à mon sens, de mieux comprendre, justement, les enjeux de la création d'un personnage tel que King Kong au XXe siècle. Donc, outre le fait qu'il présente une créature hors norme, ce film prodigieux repose sur une technique très particulière de mise en scène de son personnage principal. En effet, la narration adoptée exploite d'emblée la technique de la mise en abîme, si bien que le film raconte non pas le mythe, mais bien la création de son propre mythe. Il y a une espèce d'effet d'auto-engendrement dans le film qui est très intéressant. Le sous-titre du film, qu'on voit ici sur la dernière vignette, « La huitième merveille du monde », nous fait entrer dans la dimension spectaculaire du Barnum, tellement populaire encore à l'époque. Elle inscrit aussi, assez étrangement, la créature qu'on va découvrir dans une série qui est jusque-là composé, je le rappelle, de monuments humains. Les sept merveilles du monde ne sont absolument pas des créatures vivantes. Ce sont des constructions, la plupart du temps, architecturales, des sites, des jardins, des statues, etc. À bien y songer, donc, King Kong n'est pas une créature vivante, mais bien un artefact. Un artefact articulé, façonné par la main de l'homme, et c'est peut-être ça qui fait qu'il se range dans les merveilles du monde, justement. C'est ça qui justifie sa présence, peut-être, dans cette série. En tout cas un artefact pour 1933 qui se limite à la main et à la tête également, puisqu'en fait la main de King Kong sera la seule partie créée à dimension réelle pour donner l'illusion qu'il tient Fay Wray, Andaro, donc dans le film. Vient ensuite, dans ce générique du film, un vieux proverbe arabe. Alors apparaît sur l'écran un petit texte. Un vieux proverbe arabe qu'on pourrait peut-être situer dans la tradition de ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les phrases rapportées, les paroles rapportées du prophète Mahomet. Et parce qu'il commence par la formule « and the prophet said ». Et en fait, je pense que c'est un hadith complètement apocryphe, parce que j'ai essayé d'en trouver sa source. J'ai parlé le Coran pour l'occasion, mais j'ai quand même reparcouru les textes. Il n'y a aucune mention dans le Coran de ce passage, évidemment. Et donc, ça me dit que c'est, ça me fait penser que c'est une phrase assez reconstituée. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première évocation du rapport entre la belle et la bête, système de relation, système relationnel, qui va quand même structurer tout le rapport des personnages principaux du film. Alors là, je reprends, je l'ai pris le parti de ne pas prendre des extraits parce que ça nous aurait pris un temps fou pour les visionner. Mais en tout cas, je vais rappeler quelques éléments de cette mise en scène du film de King Kong qui sont assez perturbants. La première phrase qu'on entend prononcer dans le film est prononcée par l'impresario du film qui est présent dans la première scène, Weston, un certain Weston, qui s'enquiert auprès d'un vieux Lundmer qui est sur le quai où il arrive si c'est bien le bateau du film. Il lui pose la question, c'est « Is this the moving picture ship ?» Donc, est-ce bien le bateau du film qui se prépare? La question prend un double sens pour le spectateur directement, parce que est-ce que c'est bien le bateau du film qui va être réalisé sur l'île du crâne, ou est-ce que c'est le film que vous êtes en train de regarder, hein? Donc, il y a déjà une espèce d'effet de mise en abyme. Et le cinéma va se mettre en scène et le récit prendre des allures de mise en abîme pendant tout le long, en tout cas, du prologue qui va amener jusqu'à l'apparition de King Kong. Dans les 20 premières minutes du film, on assiste à tous les préparatifs de l'aventure. Le nom du bateau est Venture, entreprise. Dans la version écrite de Lovelace, c'est Wanderer, l'errant, l'aventurier errant. Ici, dans le film Venture. Et on assiste également à toutes les spéculations que suscite une telle entreprise de fous, this crazy voyage, comme ils disent dans le film, qui nécessite déjà à l'époque une débauche de moyens. Le capitaine du vaisseau, qui est quand même assez inquiet des conditions dans lesquelles il va voyager, s'intéresse notamment à la présence massive d'explosifs à bord, notamment des bonbonnes de gaz, ce qui pose, dans le film même, des problèmes très concrets au niveau des assurances. Donc une question vraiment liée à la technique de réalisation du cinéma. Puis Denham, le réalisateur, va débattre avec l'impresario de l'impossibilité, d'après ce dernier, d'engager une actrice féminine dans un tel projet. C'est une aventure d'homme. Impossible d'avoir une femme à bord. C'est pas possible. Denham, lui, estime qu'une femme est indispensable pour séduire le public. Et il explique qu'il va du coup dévoiler par cette intention les rouages d'une stratégie commerciale typiquement hollywoodienne qui est bien rodée à l'époque. Vient ensuite une évocation du monde de la critique cinématographique qui permet à Denham de se camper en artiste imprudent et surtout incompris. La phrase selon laquelle il est en train de faire le film le plus grand du monde, quelque chose que personne n'a jamais vu, va faire écho à ce que pourrait affirmer le réalisateur du film de King Kong lui-même à l'époque. De même que, plus loin dans le film, l'affirmation « The whole world will pay to see this ». Le monde entier va payer pour voir la créature, mais le monde entier a payé aussi pour voir le film. Donc ça annonçait en quelque sorte un peu le succès, finalement, qui était envisagé. L'engagement de l'actrice est lui aussi assez révélateur. Denham pense d'abord à recruter dans un centre d'accueil pour femmes désœuvrées, mais il s'en détourne sans doute parce que les miséreuses qu'il voit faire la queue ne correspondent pas à ses critères esthétiques. Du coup, le hasard met Anne Darrow sur sa route devant l'étal d'un épicier, où, comme par une inversion du symbole biblique originel, Denham la sauve de la chute au moment où elle s'apprête à voler une pomme. Hein, belle inversion. Sur le bateau, la présence d'une femme est vue comme une gêne par le second du capitaine qui s'appelle Driscoll. À noter que c'est de ce personnage de rustre qu'elle reçoit le premier coup, accidentel, mais quand même, premier coup, et non pas du tout, alors qu'elle ne sera jamais vraiment malmenée par King Kong. C'est clair qu'elle va être emportée avec lui, mais il ne va jamais la frapper. Le premier personnage qui frappe malencontreusement Anne Darrow, c'est Driscoll au moment où il fait une manœuvre sur le pont. Du coup, lui, King Kong, se montrera finalement assez délicat par rapport à ce personnage masculin. Andaro se trouve entouré de figures qui comportent déjà une belle part d'animalité, le dur à cuire Driscoll, mais aussi on retrouve sur le bateau le chinois, le cuisinier chinois, Charlie, qui est réduit à la condition d'un être tout à fait servile, et aussi un autre petit singe, le premier singe qui apparaît dans le film, c'est une espèce de sapajou qui s'appelle Iggy, et dont Anne dit qu'elle est sa préférée. C'est assez ironique quand on sait de qui elle va devenir la préférée après et la disproportion que ça va entraîner. Driscoll s'approprie le message. Ah pardon, excusez-moi. Lorsque survient Denham sur le pont, donc Denham arrive, il interpelle Anne et Driscoll en invoquant à nouveau le motif de The Beauty and the Beast. Il dit « Ah, vous êtes The Beauty and the Beast » au couple. Driscoll, qui est donc cet homme assez rustre, va s'approprier le message en répondant qu'il est heureux d'apprendre qu'il est beau. Et donc, implicitement, il déplace la focale sur Anne pour dire que c'est elle la bête, en fait. La femme, donc, la femme très délicate qu'est Anne Darrow, est plongée dans un univers strictement masculin, mais malgré tout, par son pouvoir de séduction, elle est figurée comme quelqu'un de dangereux. L'idylle qui naît entre Driscoll et Anne Darrow va être pressentie par Denham comme étant finalement l'objet de son film. Et elle va coïncider avec son thème directeur, qui est celui de « Beauty Kill the Beast ». Denham évoque à ce moment-là le pouvoir des jolies femmes sur les hommes, si fort soit-il. Et il dit « The Beast was a tough guy too ». La bête était un homme fort également, un gars assez dur. Il s'exprime à ce moment-là « was » à l'imparfait. Et pourtant, aucune bête n'est apparue jusque-là, à part le petit sapajou Iggy, on n'a pas encore vu King Kong. Sauf dans une mention, qui est la mention écrite du hadith du début, et qui donc, elle, est extérieure à l'intrigue. Donc on voit par là que, finalement, Denham ne fait qu'annoncer une scène qui est à venir, où Driscoll et Anne flirtent sur le pont, et où le rude marin lui dit, d'abord d'un ton dur, « I'm scared for you », il lui dit, « I'm scared for you », « J'ai peur pour vous dans cette terrible aventure ». Et puis tout de suite après, il lui dit, radouci, « And of you », « J'ai peur de vous ». Exactement comme Kong sera ramené à une part un petit peu de distance par rapport à Andaro. La mise en abîme la plus aboutie du film est sans conteste le tournage sur le bateau où Denham, qui dit ne plus faire confiance du tout au caméraman et préférer faire tout lui-même, filme en tournant la manivelle un bout d'essai qui préfigure la scène de l'offrande à Kong. En effet, Andaro est censé jouer une peur grandissante au fur et à mesure que son regard s'élève vers une horreur incommensurable et qui se révèle à elle en la regardant de bas en haut. Dans le bout d'essai, l'actrice se cache le visage de ses bras, dérobade qu'elle ne pourra esquisser lorsqu'elle se trouvera entravée. Mais à cette différence près, le jeu de l'actrice est sensiblement le même dans le bout d'essai comme dans la scène de panique de la première apparition de Kong et elle constitue un bel exemple d'autocitation dans une même œuvre. King Kong est un film où le Deus est in machina. Tout cela semble encore loin du mythe de King Kong, mais installe en fait le spectateur dans une espèce de dimension méta-cinématographique qui le captive, le piège et lui fait assister à la genèse non pas d'une créature, mais d'une création. Et ce jeu spéculaire va se poursuivre tout au long du film, jusqu'à la mise en scène finale de la mort de la bête, qui incarne à la fois l'artiste pris au piège de l'esthétique, Beauty Kill the Beast, et le spectacle, le show dans son entier. La fameuse Skull Island, vers laquelle se dirige le bateau, est géographiquement située au sud-ouest de Sumatra, et elle est identifiée à l'île de Nias. C'est dans cette langue que le capitaine entre en contact avec le chef de la tribu. Sur la carte, elle a la forme d'un gorille accroupi. Elle n'aura vraiment, comme on peut le voir ici, elle n'aura vraiment une forme de crâne que dans la version de 1976, et dans la version de Skull Island, où là, elle figure véritablement un crâne dans la version, là c'est le 76, dans le film Skull Island, qui est réinterprété de King Kong en 2017. Et la seconde citation d'un singe dans le film, après cette citation sur la carte, c'est celle du petit sapajou dont je vous parlais tout à l'heure, qui est assez ironique dans la mesure où lui, c'est le singe minuscule du film. Lorsque Denham demande au capitaine s'il a déjà entendu parler de Kong, le capitaine lui répond qu'il croit s'agir vaguement d'un dieu, d'un esprit. Denham le définit, lui, « neither beast nor man », littéralement donc ni bête ni homme, mais comme « something monstrous all powerful, quelque chose de monstrueux, très tout-puissant. Et il précise qu'aucun blanc n'a jamais vu ça. C'est une anecdote assez amusante qui rapporte que lorsque l'actrice Faye Wei a été lancée à la tête de l'affiche, le réalisateur lui a dit qu'elle allait voir le plus grand et le plus sombre des hommes d'Hollywood, et elle a tout de suite pensé qu'elle allait être face à Clark Gable et non pas à King Kong. King Kong donc est donc rangé parmi les êtres supérieurs, les êtres hors normes, les êtres qui sont hors animalité, mais sa nature exacte interpelle. C'est vrai que King Kong, c'est un mammifère qui semble avoir toujours hanté l'île, d'où sa qualité d'esprit. Il est doué de surpuissance, d'où sa qualité de dieu ou de roi. En même temps, il est unique en son genre. Est-ce qu'il est orphelin? Est-ce qu'il est fils unique? Je sais pas. Dans la version de 2005, on remarque la présence d'un crâne énorme dans son antre. Est-ce que c'est celle de son dernier parent? On ne sait pas. Ou alors, est-ce que parce qu'il est le dernier de sa race, qu'il exige des femelles pour se reproduire, quitte à les prendre dans une autre espèce? Inutile sacrifice quand on considère la proportion des partenaires qu'il se voit offrir. Dans la version de Peter Jackson en 2005, lorsque Kang se retire avec Anne sur son promontoire, on entrevoit des squelettes humains, qui jonchent le sol. La cause de leur mort, évidemment, laisse un peu songeur, parce que ces femmes n'ont sans doute pas été dévorées. King Kong n'est pas un cannibale. Dans la version de 1933 et dans celle-là seule, il porte des humains à la gueule, des indigènes de l'île, mais aussi plus tard des habitants de New York. Ce n'est pas pour les tuer, ce n'est pas pour les avaler, ni pour les dévorer, mais il les recrache aussitôt. Le seul moment où on verra le singe avaler un humain, si j'ai bon souvenir, c'est dans une des tout derniers avatars de l'histoire qui est Rampage. En 2005, Kong se nourrit de bambou et il n'accède à la consommation carnée que dans Kong Skull Island, où il dévore un gigantesque poulpe. Que fait-on des monstres dans notre société, sinon les montrer? C'est de là, d'ailleurs, qu'ils tirent leur nom. Le monstre, c'est celui qu'on montre. Il y a deux scènes d'exhibition d'êtres vivants dans King Kong 1933. La première, c'est celle qui est subie par Anne Darrow lorsqu'elle est offerte. La seconde, quand Kong est dévoilé au public du théâtre. Alors que la femme est attachée par les poignets à deux piliers, Kong est quant à lui littéralement crucifié sur un support n'ayant pas de montant supérieur, ce qui est la forme de la croix originelle du supplice de Jésus, hein, historiquement. Comment ne pas comprendre, ne pas entendre l'ironie alors du Inri, voici le dernier roi des Juifs, dans les phrases du présentateur. Les phrases du présentateur au moment où il montre Kang crucifié, c'est « He was a king and a god in the world he knew ». Il était un dieu et un roi dans le monde, dans son monde. But now he has come to civilization merely a captive. Maintenant, il est arrivé à la civilisation en tant que captif. A show to gratify your curiosity. Un show pour un spectacle pour satisfaire votre curiosité. Cette présentation est assez étonnante à bien y penser, car un animal sauvage, quelles que soient ses dimensions, est en général séparé du public par un grillage. Il ne le sera en fait qu'en 1976, outragé tel un roi de pacotille et enserré dans une camisole de métal. C'est que, dès le mythe originel, Kong n'est pas considéré comme un animal. Je vous rappelle la phrase de John Merrick dans Elephant Man, « I'm a man, I'm not an animal ». Il n'est pas considéré donc comme un animal, il n'est jamais invoqué comme tel, mais comme une bête, a beast. En anglais comme en français, le mot bête ou beast a un côté monstrueux, sauvage, imprévisible. C'est l'instinct, la force, la violence incarnée dans un même être. Ce genre de créature devrait donc être grammaticalement représenté par le pronom « it » en anglais. Mais durant la traque, où l'équipage suit Kang à la trace, on entend les hommes s'exclamer « That's him !» et ils usent du pronom « he » pour le qualifier. L'humanisation de Kang est donc une constante dans le film. Elle passe dans le langage et se retrouve jusque dans ses gestes. Après avoir combattu et tué le T-Rex, jusqu'à même un moment à utiliser une arme, ce qui n'est pas propre à un animal, il tue aussi le géant et le ptérodactyle. À chaque fois, Kang s'assure que l'animal est bel et bien mort. Il joue avec la mâchoire, ce qui n'est pas une attitude animale non plus. Dans la version de 76, il se montre soucieux de l'hygiène de sa poupée de chair, car il lave Anne Darrow sous une cascade. Il fait aussi preuve d'un certain sens du ludisme qui sera accentué dans la version de 2005, dans la mesure où il effeuille Anne Darrow en lui faisant des chatouillis et des caresses. Kang se laisse donc métaphoriquement, puis littéralement, prendre au piège par la beauté d'Andalo. Il a été souvent glosé sur l'érotisme, évidemment, évident, voire la tension sensuelle et sexuelle entre les deux personnages. Mais est-ce qu'on a souvent souligné l'ingrédient ethnographique de cette relation? Dans la mesure où Kang tombe amoureux non pas d'une femme, combien lui en ont déjà été sacrifiés, mais bien de la femme blanche, de type caucasien. Un appât qui ne lui a jamais été livré de toute son existence. C'est elle qui va devenir l'objet exclusif de sa quête, et c'est cette obsession qui précipitera sa perte. We will give him more than chains. He always been king of this world, but we will teach him fear. Il a toujours, nous allons lui donner plus que des chaînes. Il a toujours été roi dans son monde, mais nous allons lui apprendre la peur. Remarque Denham au moment de chloroformer la bête pour le capturer sur l'île. Une phrase qui va anticiper le « nous l'avons dressé » décrété par Denham au moment de révéler Kang au spectateur médusé du théâtre. Toute la séquence où Kang va évoluer en liberté dans les rues affolées de New York figure l'affrontement de deux démesures. Il y a d'une part la barbarie débridée, la force naturelle guidée par ses plus bas instincts. Kang arrache sa ceinture et il entreprend l'ascension de ce qui était à l'époque le plus haut building de New York, l'Empire State Building. Point érectile culminant que de ce que ces lignes désignaient déjà en 1932 dans Voyage au bout de la nuit comme le signe manifeste des villes debout, que sont les villes américaines. Et puis en face de lui, il y a la puissance mécanique, technologique, militaire, stratégique de la civilisation moderne. Il est quand même assez ironique de constater que l'utilisation de tout cet arsenal est préconisée par un marin. À la fin, c'est le marin Driscoll qui dit « Et si nous utilisions des avions pour l'abattre ?» S'y ajoute en plus de cela la supériorité prétendue de l'esprit américain que l'on peut remarquer, signalé presque subliminalement, dans le médaillon dont est frappé un des plis-plans qui mitraille King Kong à la fin. On y entrevoit Mickey Mouse, personnage de souris rusé et exploit qui lui a été créé en 1928, toujours doté d'un certain optimisme, qui pilote une oie sauvage et qui passe devant la statue de la liberté. Et aux commandes de l'appareil, on trouve Marianne Cooper et Ernest B. Schutzack, qui sont donc les réalisateurs du film. Et commentaire de la notice Wikipédia, on peut voir la métaphore là-dedans des créateurs qui mettent à mort leur propre créature, finalement, pour manifester le triomphe de la civilisation américaine. La civilisation dans laquelle Kang est débarqué est celle de l'Amérique des années 30, une Amérique qui renvoie, à travers l'industrie hollywoodienne, au reflet de sa puissance la plus arrogante, dominatrice. Le pouvoir croissant de l'image dans la société américaine est sensible, notamment à travers la présence de la presse voyeuriste qui se presse autour justement du cadavre de Kang. Et n'oublions pas que ce sont justement les journalistes qui déclenchent in fine la colère de Kang avec leurs flashs crépitants. Et c'est eux aussi, les journalistes, qui entérinent au moment du dévoilement de la 8e merveille du monde le slogan « Beauty and the Beast ». C'est ce qu'ils vont choisir comme titre pour la presse. Le film de 1933 a donc commencé par une mise en scène, par une mise en abîme sur le cinéma. Il aboutit à une mise en scène, une mise en abîme du show scénique. Il faut imaginer le public d'alors qui se pressait dans les salles de cinéma, et il y en eut énormément, plus de 10 000 personnes, les salles étaient combles au moment de la première sortie du film, et qui pendant quelques secondes se trouve en situation de regarder un autre public de théâtre de dos, parce que justement, eux, ils étaient installés là, et ils pensaient voir un film. Une des spectatrices dit à un moment, « Ah, c'est pas un film, c'est du théâtre, oh là là, je vais être déçu. » Et donc on lui demande quand même de s'installer. Ce qui est assez étonnant parce que donc le public de l'époque, comme nous-mêmes aujourd'hui, nous nous installons dans le prolongement du public venu admirer la bête, comme si les deux spectacles allaient fusionner. Chaque spectateur du film King Kong se trouve alors inclus dans cette dimension spéculaire et renouvelle le frisson de la découverte. Est-ce que je peux encore avoir quelques minutes pour la dernière partie de l'exposé? Ça va? Parce que je vois qu'il est déjà presque 13h. Ça va? Je peux aller très vite? Bon. Je vais très vite pour vous illustrer quelques aspects du mythe séminal qu'est King Kong, à savoir un mythe qui inspire évidemment beaucoup. Alors, je vais passer sur certains aspects que j'avais voulu mettre en évidence, mais j'avais voulu montrer les évolutions de la vision idéologique dans certains aspects du film, notamment par exemple la rencontre avec l'autre, qui est figurée dans le film de 1933 et qui va être mise en scène de façon très différente. Dans le film de 1933, on est vraiment face à une rencontre de type anthropologique et aussi matinée, évidemment, de la vision coloniale. Donc on rencontre vraiment, entre parenthèses, le sauvage, le primitif. Tandis que dans la version de 76, on voit qu'une esthétisation supplémentaire est apportée et on pense parfois, en voyant les masques et les tenues des indigènes mis en scène, à ces photos très léchées de Leni Riefenstahl dans les années 60-70, justement, qui insistaient sur la beauté de l'aspect tribal des peuplades primitives. En 2005, il n'y a plus du tout de communication entre les deux. On est dans l'ère du choc civilisationnel de l'après 2001. Dans les scènes de 33 et de 76, il y avait un dialogue, tandis que dans la scène de 2005, impossible de dialoguer, c'est la guerre ouverte. Je voulais montrer aussi les expressions humanisées dans la version de 2005 de Peter Jackson, qui sont vraiment portées à leur point le plus abouti, dans la mesure où King Kong adopte toutes sortes de faciès qui sont typiquement plutôt humains. Mais bon, c'était une illustration donc, de cette vision. Et alors, et vous évoquez évidemment tout ce qui avait irrigué l'imaginaire, en quoi King Kong finalement était l'irrigation d'un imaginaire qui va susciter énormément d'épigones. D'Avatar. Donc, par exemple, on va retrouver King Kong, je vous en donne un exemple ici, on va le retrouver avec un autre genre, on va le, Queen Kong, en 1977, et donc ici, King Kong est invoqué pour interroger la question des genres. On voit le cadavre de King Kong dans un film de Marco Ferreri, en 1976, et il a choisi exactement les tours jumelles comme lieu d'échouage de ce symbole de la masculinité qui, là, est campé vraiment dans son échec le plus total. Les parodies qui ont été faites de King Kong, notamment ici, par un certain John Backus, je suppose que c'est un pseudonyme, où on voit King Kong en couche-culotte, une espèce de bébé King Kong en couche-culotte, assouvir ses pulsions sur la statue de la liberté, une scène très frappante et très choquante pour les Américains, on s'en doute. Je voulais évoquer évidemment le King Kong dans la bande dessinée, sa présence chez Hergé, parce que l'album L'île Noire est presque contemporain de la sortie du film, et il met en scène lui aussi un grand gorille. Évidemment, King Kong est un motif qui a été énormément repris dans la bande dessinée, jusqu'à la figure hybride de Gorgilla, et qui est lui qualifié de neither ape nor man, ni singe ni homme, non pas comme King Kong le sera. Et l'affrontement qui s'apprête entre King Kong et Godzilla pour 2020, où King Kong va devoir considérablement grandir, parce que sinon il n'est pas du tout à la taille de Godzilla. Les nombreux avatars auxquels il a donné lieu juste après-guerre avec Mighty Young Joe Young, qui est une amitié vraiment entre homme et singe, ou alors dans Rampage, plus récemment, que j'ai vu, qui est un film quand même qui repose sur une débauche de moyens assez considérable. L'inspiration du singe dans la littérature, la planète des singes, évidemment, le singe tueur dans le film de King Kong, de Stephen King, pardon, The Monkey, la figure de Donkey Kong dans Nintendo, la figure Nintendo, le format du roi Louis, ben, ça nous vient évidemment d'une mise hors format inspirée par King Kong dans la dernière version du livre de la jungle, et puis aussi cette réexploitation de King Kong dans le discours sur les genres et cette réappropriation dans le discours féministe. Récemment, je découvrais le mouvement des Guerrilla Girls qui revendique en fait une présence accrue de la figure féminine qui dénonce plutôt les stéréotypes auxquels on associe la présence de la femme dans les arts et qui débarque dans des expositions affublées d'un masque de gorille ou encore évidemment l'exploitation de King Kong par Virginie Despentes dans King Kong Theory. La question finale que je me posais, c'était de savoir qui était réellement la bête dans le film de Chuksak et Marianne Cooper, dans la mesure où peut-être que c'est bien Driscoll, finalement, qui endosse ce rôle et qui figure celui qui est véritablement le mal dominateur, le mal nocif, le mal plus nocif, ou en tout cas le mal plus viril et masculin. Tandis que King Kong se laisse subjuguer véritablement et nous donne presque une leçon d'amoureux transi qui tombe finalement de son plus haut lorsqu'il est piégé par les humains jaloux sans doute autour de lui qui l'abattent. Voilà, je suis désolé d'avoir dû avancer aussi rapidement. Je vous fais remarquer quand même que dans le film de 1976, c'est le seul film, c'est la seule version où il n'y a pas la phrase « Beauty killed the beast », la scène, et c'est peut-être en ça que c'est une des scènes les plus émouvantes, qui met en scène de façon la plus émouvante la relation entre King Kong et Andalo, dans la mesure où elle pleure silencieusement devant la dépouille. Et c'est une version qui est très épurée, en fait, celle de 76, parce qu'il y a très peu de gens dans les rues. King Kong affronte, il manipule le métro est vide, il y a trois journalistes qui viennent sur lui, simplement. Donc c'est une version de temps de crise, en fait, celle de 1976, beaucoup plus que finalement celle de 1933. Et il y a une espèce de désertion comme ça autour de lui, et Jessica Lange se campe devant la dépouille de King Kong et pleure comme ça, silencieusement. C'est une relecture, évidemment, de la scène qui est très forte.